Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Vous êtes toujours avec nous pour ces 40 heures de direct pour fêter les 40 ans de Radio Fadjet dans cette belle année 2025. Rapide quiz autour de la table, à combien d'heures sommes-nous sur les 40 ? Ah, 33. C'est une bonne réponse, wow. 33e heure actuellement, c'est très beau. Ouais, il n'y en a déjà plus que 7. Et ouais, ouais. Voilà. Arrête, ça passe vite quand même. Il n'y a pas des choses comme ça. Et oui, il est 4h fin vers midi, donc effectivement, il nous reste 8h, un peu moins de 8h ensemble. Incroyable ce pari des 40 heures qui se passe déjà à merveille. Et merci à toutes celles et ceux qui ont fait vivre l'antenne pendant déjà 33 heures et qui continueront jusqu'à midi demain. Évidemment, un beau projet qui n'aurait pas été possible sans vous, donc encore merci. Ma chère Agathe, je crois que tu veux nous faire un petit peu jouer tous ensemble. Agathe and the quiz. Ouais. Agathe and the quiz. Là, je vais tester vos connaissances alors sur un quiz d'anniversaire. Donc, c'est des personnes qui sont nées, il n'y a pas de mystère là-dessus, un 9 février. Très bien. Okay. Ça tombe bien, c'est la date du. Et comme de par hasard. Mais, c'est fou, mais attends, ça. Mais je suis une dingo. Les trucs se croisent. Non, mais c'est bien fait, Radio Fadjet. Hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Toujours. Alors, je parle en jeu. Hein. C'est pas moi. Hein. Je précise pour ceux qui nous écoutent peut-être à 4h du matin, qui sont peut-être plus dans un état normal. Donc toi, Agathe, tu n'es pas née 9 février. Non, moi, je suis Agathe. Très bien. Je suis un acteur. Je suis un acteur américain né en 1943 dans le New Jersey. Je suis d'origine italienne. De Niro. Je suis encore en vie. De Niro aussi. Hein. Quoi ? De Niro est encore en vie. Hein. Je commence ma carrière très tôt en 1950 dans la série Startime Kids. Je suis connue pour avoir travaillé avec De Niro et Scorsese, ou Scorsese, comme ils disent. Scorsese. J'ai joué le rôle de Tommy DeVito dans Les Affranchis, Russell Bafalino dans The Irishman, et Harry Lime dans Maman, j'ai raté l'avion, entre autres. Mon prénom, allez, je vous aide parce que vous donne-nous des indices. Mon prénom est Joey. C'est un gros indice quand même. Joe Pesci. Né en 1943. Incroyable. Allez, une autre personne. Je suis une actrice américaine née en 1945 à Los Angeles. Et vous vous débrouillez avec ça. Julia Roberts. J'ai reçu un Golden Globe du meilleur espoir féminin au Golden Globe Award en 1965. Ouais. Je suis connue pour mes engagements humanitaires. Mon père était réalisateur et ma mère actrice. J'ai beaucoup joué pour Woody Allen dans les années 80. J'ai aussi joué le rôle de la grand-mère d'Arthur dans Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Je vois sa tête, mais je n'ai plus son nom. Oui. Je suis née en 1945. Ça, tu nous l'as déjà dit. Mon nom est Mia Farrow. Ok. Allez, ensuite, je suis un chanteur et compositeur britannique, toujours en vie. Je suis issu de la mouvance New Wave. Partenaire. Non, pas britannique. J'ai révélé mon homosexualité en 1993. Et je suis connu pour être le leader du groupe qui a fait la chanson Relax. Mika dans tout. Ah non. Non, l'autre non, relax. Plus vieux. C'est plus compliqué, je vous l'avoue. Le groupe, c'est... Si vous trouvez le groupe, ça le fait. Le groupe derrière, Relax. Oui. Je vais regarder si on l'a dans la prog. Non, on galère là. Ouais, je vous le donne. C'est Frankie Goes to Hollywood. Et du coup, la personne, c'est Holly Johnson. Ah oui, ben j'aurais pas dit. Née en 1960. D'accord. Ensuite, je suis un rappeur français né en 1966 à Saint-Denis. NTM. Bah alors, il faut être plus précis. Mais oui, oui, on est dans le... Un des deux. Je suis connu donc en tant que rappeur, mais aussi en tant qu'acteur, notamment dans la série Engrenage, mais aussi validé, entre autres. Mais c'est qui l'autre? Donc l'apogée de ma carrière a été donc entre 1990 et 2000. Et donc... NTM, ouais. Mais c'est pas Joe Star. Bah comment s'appelle l'autre? Vous ne savez pas? Mais si. Je vous le donne. Mais non. C'est Kool Shen. Né en 1966. Incroyable. Allez, on continue. Ouais. Alors pour l'instant, on est très mauvais. Hein, oui. Je me juge. Moi, je disais rien pour vous garder. Ouais. T'as bien fait de pas acheter de croissant, en fait. C'est Moi, j'étais meilleur en comédien et comédienne de doublage. Hein, voilà. Ouais. Mais après, s'il y en a un qui est peut-être né dans ces eaux-là, peut-être que je peux m'en sortir. Là, c'est pour vous. Ça va le faire. La pression. Je crois en vous. Allez. Je suis un acteur britannique né en 1981. Je suis une icône de la pop culture. Benedict Cumberbatch. Connu pour mon rôle de super-vilain dans l'univers Marvel. Ah oui. Ok. On me connaît pour mon rôle de Loki dans Thor et Avengers. Mais oui. Hiddleston. Ouais. J'avais un doute. Tom Hiddleston, né en 1981. Incroyable acteur. C'est un gamin. Oui, il est pas vieux. Allez, il nous en reste deux. Ok. Je suis une chanteuse française née en 1998 à Marseille. J'ai remporté la 6e saison de La France a un incroyable talent en 2011, émission dans laquelle j'ai chanté Rolling in the Deep d'Adèle et Firework de Katy Perry. Je suis connue pour mon titre Homeless, sorti en 2014. Ah mais oui, je l'ai vu sur scène. Ah oui, une brune. Petite brune. Ouais. Oui, c'est une brune. Marina Kaye. Marina Kaye, super. Ouais, donc, née en 98, super Davy. Incroyable. Je ne me rappelais pas qu'elle avait gagné La France a un incroyable talent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Incroyable, je ne me rappelais plus. Le dernier, c'est parti. Et le dernier. Je suis un acteur américain né en 1987 en Californie. En 2023, je suis devenu le 165e artiste noir à obtenir mon étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Je suis connu pour avoir joué Adonis Johnson Creed dans Creed. Ah oui, bah oui. Et j'ai également joué dans Black Panther. Bah oui. Ah. Mmh. Il a produit les autres Creed et tout ça après. Mais j'ai pas le nom de l'acteur. Ça commence par. Bah, son prénom, c'est Michael. Michael. Non. Cracher sa tête, mais j'ai. Bah oui, bah Michael B. Jordan. Ah, Michael B. Jordan, bah oui. Il est connu, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le nom, mais de visage, je pense que à peu près tout le monde le connaît. Michael Jordan, ça nous évoque autre chose aussi. Ouais, non, ouais. C'est pour ça que c'est Michael B. Oui, c'est le deuxième Michael Jordan. Il y en a, il y a le A, il y a le B. Oui, c'est le B. C'est ça. C'est la phase B. C'est la phase B. Pour ceux qui ont connu les disques. Ah oui, c'est ça. Moi, je suis jeune, mais je connais les disques. C'est bien. J'ai ma petite collection. Ça existe toujours. Il y avait les disques, il y avait les cassettes aussi. Les cassettes. Du coup, ça, t'avais pas besoin de l'auto-reverse. Tu faisais d'abord la face A, puis la face B. Après, le crayon. Grand bobine avait le crayon. Ouais. C'est bien. Eh bien, merci, ma chère Agathe. Mais je crois. Tu nous as bien planté. Ouais, je crois qu'on était. Très, très mauvais. Très mauvais. Probablement par, attention, une transition de vous, le manque de sommeil qui explique que nous sommes mauvais. Ah, et le manque de sommeil, il y en a des expressions qui en parlent. Ça tombe bien, nous avons un quiz expression sur le sommeil. Nous avons un animateur qui va parler de ça, dis donc. Comme de par hasard. Comme si tout était prévu à l'avance. C'est fou. C'est hein. ça que tu me dis. Allez, on va commencer par une simple. Puisque vous êtes tous cuits, là, je vois bien, vous êtes tous cuits, mais on va parler un peu de sommeil. Ouais. Ah, ça va nous reposer un petit peu. Le marchand de sable. Connaissez l'origine du marchand de sable? Désolé, c'est sorti de nulle part. La transition était drôle. Effectivement. L'origine des marchands de sable. Pas du tout. Tu la connais? Non. Est-ce que tu sais faire l'accent québécois? Désolé, j'ai tué ta première. Je veux bien essayer, mais c'est pas très fort encore. Faut que je travaille encore. Tabarnak. Tabarnak. Tabarnak. Faut que je travaille encore un peu. Ça, c'était de Chris. Je vais appeler mon collègue, il est québécois. Ah, c'est bien. L'appelle pas maintenant, peut-être. Il va te maudire. Moi, je ne maîtrise pas encore. Il n'est que 22h à Québec. Ah oui, à Québec. Mais est-ce qu'il est à Québec ou est-ce qu'il est en France? Il est en France. Voilà, donc il ne faut pas l'appeler. Bon, il est. Désolé. J'ai tué ta Alors, le marchand de sable. Messieurs, c'est une émission sans queue ni tête. Alors, l'origine de l'expression marchand de sable. Bah alors, donc, bon, bah, quand les enfants sont fatigués, ils se frottent les yeux, car les yeux, ils piquent. Oui. Donc, au XVIIIe siècle, on utilise l'expression « avoir du sable dans les yeux ». Oh. Voilà. Okay. Au fil du temps, le sommeil s'est personnifié de manière enfantine en un marchand de sable qui passe jeter le sable dans les yeux des enfants pour signifier qu'il est l'heure de dormir. Oh, okay. Moi je croyais que ça venait du fait que les larmes le sèchent et du coup t'as ce petit les petites crottes et que du coup ça faisait penser à des grains de sable et que c'est pour vrai, ça qu'on faisait le marchand de sable. D'accord, donc c'est bien parce que juste ça gratte. Voilà. Très comme bien. Toi là, tu te gratouilles. Bah non, je mime pour les caméras. Je ne sais pas. Je pensais que t'es pas fatigué. J'irai pas jusque là, mais voilà, je peux encore tenir sans souci. On n'est pas deuxième fatigué. Expression. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Deuxième expression. Deuxième expression. Un nom à coucher dehors. Non. Alors, je pense savoir. Alors, vas-y. Donc déjà, c'est à l'époque des auberges. Oui. À l'époque où, les smartphones, ça n'existait pas. Pas tout à fait. Ouais. Et où, du coup, quand t'avais quelqu'un qui t'inspirait pas trop confiance, t'avais pas trop envie de l'avoir dans ton auberge chez toi, parce que t'étais pas sûr que pendant la nuit, ils viennent pas te planter un couteau. Du coup, souvent, ils se référençaient un petit peu au nom des gens. Mmh. Et si la personne avait un nom qui t'inspirait pas confiance, tu l'acceptais pas dans ton auberge. C'est exactement ça. Donc, il dormait dehors, il avait un nom à coucher dehors. Un nom qui n'inspirait pas confiance, effectivement. C'est pas du tout discriminant, c'est ça. À l'époque où la marée chaussée, ça n'existait pas. Donc, tu prenais tes précautions. Allez, une expression encore plus courte. Qui dort, dîne. Un petit loir qui dort, dort et dîne. Un petit loir qui dort, dîne et dort. Ça, c'était un poème que j'ai appris. Et là, il me regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Il est 4h18, messieurs, dames. Je comprends plus, madame. Il y avait un poème quand j'étais petite. Mais c'est bien, redis-le voir, parce qu'il n'y en a pas. Un petit loir qui. C'est pas tout le poème, hein, c'est un morceau. Oui, fais pas tout, Je connais pas. Un petit loir qui dort et dîne. Un petit loir qui dîne et dort. Voyez-vous, je me souviens. Vous avez bien fait de passer, madame. Merci. Mais vas-y, apprends-nous donc. Vas-y, apprends-nous. Qui d'ordine, je connais aussi l'origine. Ouais. Incroyable. Encore une on fois, pas c'est du temps. Ensemble, et non, hein. Mais c'est encore une fois du temps des auberges. Exactement. Et oui, puisqu'à l'époque, les auberges faisaient restaurant, hein, dans l'idée. Tu pouvais donc y venir, y dîner le soir et y dormir. Bien souvent, lorsque tu réservais une chambre, le repas était offert. Oui. Voilà. D'où l'expression qui dort, dîne, puisqu'en réservant ta chambre, tu avais le repas offert. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup pensent que du coup, ça veut dire que si tu dors, tu peux sauter un repas. C'est ça. Non. Les nutritionnistes disent non. Voilà, manger. Je vais vous faire un petit coup de Dr Vince. C'est le moment. Parce que c'est le moment. Donc, sur le côté médical, s'endormir sans avoir mangé est une mauvaise idée. Bah, bien sûr. Loin d'être au ralenti, notre corps, la nuit, travaille. Et notamment le cerveau, qui a absolument besoin notamment de sucre. Pour fonctionner, c'est l'organe qui consomme le plus de sucre dans le corps humain. Alors moi j'ai une question parce que t'as dit dormir sans manger. Ok, moi je suis dans la situation inverse actuellement, c'est-à-dire j'ai mangé mais je ne dors pas. Le médecin il en dit quoi? Oui, non. Je sais pas. Très bien. Vous viendrez à mon cabinet. Oui, ça marche. Parce que dans le doute, je pense que c'est pas très recommandé. Et il y a donc une expression qui est utilisée du coup dans le milieu médical qui est qui se couche sans manger se lève sans avoir assez dormi. Oh, c'est une bien belle expression. C'est une bien belle expression. Voilà, manger. Et puis, nous concluons sur manger. Manger. Et puis dernière expression, je crois, oui. La dernière. Ah non, il va me faire un bailleur. Il en fait bailler combien? L'expression, c'est un bon bailleur en fait bailler combien? Très bien. Combien? Il y a vraiment un nombre? Ouais, donnez-moi un nombre. Ah. J'ai vous avez le début de l'expression. Un bon bailleur. Un bon bailleur en fait bailler. 5. C'est un vrai nom qu'il faut. Il faut trouver un vrai chiffre. Ouais. Ok. Oh, c'est l'expression. Un bon bailleur en fait. Bah après, ça dépend si du monde à côté ou pas. 30 Non, c'est 7. Ah, bah, je sais pas, moi, il m'arrête pas, donc je 3257 Et est-ce que vous comprenez pourquoi il y a un phénomène derrière qui est oui, un phénomène moi, je sais. Médical. Ah. Enfin, je sais. Moi, ma docteur Agathe, explique-nous. Eh oui, alors donc. Bienvenue dans Grey's Anatomy. Merci, merci. Cher confrère. Donc, on m'a appris, et ouais. Dont ma maman, qui est infirmière, que en gros, c'est par rapport à l'empathie. C'est ça. Et en fait, que tout humain à peu près normalement constitué a de l'empathie, et donc l'empathie fait. Bah, c'est le fait de se Ils mettre ont pas à la place. Les deux, là. C'est le fait de se mettre voilà, à la place de quelqu'un c'est d'autre. Ça, c'est et, ça. Et donc, l'empathie fait que quand on voit quelqu'un bâiller, on a envie de bâiller comme quand on voit quelqu'un pleurer, on se sent un peu mal. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça, je tiens à le dire, je vous précise, vous deux là, vous me faites peur. C'est comme ça bailler, qu'on reconnaît je entre autres des psychopathes. Killer, ouais. Parce que les psychopathes ne baillent jamais. Pas, non, ils ne ressentent pas l'empathie et donc ils ne baillent pas entre autres quand quelqu'un d'autre baille. Très bien. Donc il y a une notion qu'on appelle la notion de neurone miroir. Enfin, voilà, dans le cerveau. Donc, t'as baillé aussi le truc ? J'ai un peu baillé. Par contre, je peux Davy... l'en refaire. Parce que moi, je baille sur commande. Davy, il est l'heure de bailler. Ah, mais arrête. Oh, merde. Bon, il m'a eu. Moi, j'ai un décalage. Donc... Il va bailler vers 5h38. voilà, il va faire. Ah, je le savais. Je le savais. C'est le temps que ça remonte. Le neurone miroir, oui, mais bon, quand même. Hein, il faut qu'il dorme aussi. voilà. Pour revenir sur le bâillement, les animaux baillent aussi, notamment les chats. Et quand un chat baille devant vous, ça veut dire qu'il a confiance, puisque un animal qui baille, c'est un signe de vulnérabilité, puisqu'en général, quand on baille, on n'est pas le plus actif et tout ça. Et ça montre un peu des signes de faiblesse. Donc, si un chat baille devant vous, c'est qu'il est en confiance avec vous. C'est donc un signe que votre animal vous fait confiance. C'est toujours cool. Et c'est pas, si c'est, je c'est pas, pas... les ronronnements non plus. Les ronronnements. C'est difficile les à dire. Les ronronnements et les miaulements. Les ronronnements et les miaulements, c'est des comportements que les chats ont adoptés pour plaire aux humains. Qui n'ont pas des ce sont des comportements qu'ils n'ont pas naturellement. Voilà. Oui, ça fait sens en fait. Et sachez que il n'y a pas que les chats qui miaulent. Ça peut arriver aussi à certains gros chats comme les jaguars, les tigres. Et ils font des petits miaou comme les chats. On pourrait s'attendre à des trucs très voilà. Mignon. Et c'est très rigolo, effectivement. Le graou de Davy faisait pas petit mignon. Ça, c'est un peu un crachat mal fait. Hein. C'est un raclement de gorge un peu loupé. Hein. Bon, très bien. Est-ce que tu as doublé des animaux dans ta grande Alors, carrière Est-ce que tu miaules souvent Est-ce que tu miaules Mais il le fait bien, attendez. Voilà, je fais très bien les animaux, attention. Incroyable. Je fais le mouton, je fais l'agneau. Alors. Ah, vous m'entendez faire l'agneau, normalement vous avez la petite larme, c'est obligé. Vas-y. Mais... Très bien. Oh, mais oui, c'est vrai. Incroyable. Mais t'es dingue, complètement dingue. Ça, c'est le beau. Le petit capri. Ah, bah écoutez, moi. C'est magnifique. C'est Écoute, mignon. Tu bosses ton bestiaire, on écoute Empire of the Sun avec Walking on a Dream. On se retrouve juste après avec d'autres animaux, restez avec nous. Talking to myself. Will I see again? Fire of the Sun avec Walking on a Dream, 4h27. Vous êtes toujours, eh bien, en direct des 40 heures de Radio Fadjet. Je vous propose un petit jingle quand même pour fêter ça. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Aurez-vous reconnu la voix qui faisait ce jingle? Benoît Hamann, moi j'aurais dit. Presque son équivalent, local, Stéphane. Son équivalent lorrain. Incroyable. Super voix. Justement, mon cher Stéphane, je crois que tu as encore quelques petits quiz pour nous. Ouais, c'est des petites infos. Moi, ça me va très bien. Que Fadjet a éclaboussé. En fait, il y a d'autres émissions qui vont avoir ou qui ont eu 40 ans sur les deux dernières années. C'est vrai. Il y a Télématin qui a fêté ses 40 ans il y a 2-3 jours. Là. Avec William Lémergie. Au départ, notamment. Ouais. Donc ça démarrait à 7h moins le quart les matins. C'était comme ça au début, puis après les horaires ont évolué. Donc il y a Télématin, il y a Canal+, qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. Déjà. En 2024. Ouais. Incroyable. Moi, je m'amusais à imiter les voix des guignols de l'info. Ah oui. J'arrivais un peu à trouver la tessiture de Yves Lecoq et je m'amusais à faire mes pénéas. Je m'amusais à faire mes pénéas. C'était super, les guignols. Bonsoir. Ah, tu le tiens bien, je trouve. Ouais, je faisais. Ah, ouais, PPDA, c'est pas j'aimais mal. Bien faire. Ouais, PPDA, Chirac, ça doit pas être facile. Hein. J'adorais faire Chirac. Ah, putain, 2 ans. Oh, c'est bien. C'est pas mal, ouais, c'est j'aime pas bien. Mal. Ah, j'aime bien, ouais. Voilà, j'en faisais plein d'autres comme ça, c'était assez marrant. Ouais, bah, ouais. Je tiens à dire que il y a des concours d'imitation. Je n'ai pas cette prétention. J'ai absolument pas cette prétention, mais c'était marrant à faire, ouais. Tiens, bah, on dérive, on reprendra ça. Ouais, vous savez faire quelques imitations de personnes, personnages, d'animaux. On retombe sur la patte. Agathe, je te vois tirer une tête, l'air de dire pourvu qu'il ne m'interroge pas, donc je t'interroge. J'essaie de. Super. Moi, j'aimerais avoir un bon accent québécois parce que je sais pas pourquoi, je suis passionnée du Québec. Je tabarnak, dans cette mais caresse. Il est nul, je peux essayer. Fais-le quand même. Allez, il est 4h29. On est là. Il y a 4 auditeurs, c'est nous, on est autour de la table. On est là, c'est bon, vas-y. On te fera un post de Facebook. Vas-y. Tabarnak d'Estée de Cresse. D'accord. Mais... Nous avons un appel en direct, c'est le Québec qui est le pays en entier qui s'énerve. Non, mais je les adore, j'adore les Québécois. J'aimerais savoir faire leur. J'aimerais aller habiter au Québec, figure-toi. Eh bien, c'est mon objectif de vie. Mais moi, j'aime visiter le Québec. Ça peut se faire. Ouais. Ah. On a des copains donc, qui sont déjà partis, alors c'est sur tirage au sort. Ça se fait pas comme ça. Tu vas pas comme ça. Lui, ça a été sur tirage au sort. Et puis, ils sont partis 2 ans et demi, je crois. 2 ans. Oh, ouais, moi, j'aimerais pas bien plus tard. Mais voilà. Puis, ils ont pu faire un peu un rapprochement parce qu'ils étaient mariés, tout ça, mais avec sa femme. Mais c'est vrai que c'était sur tirage au sort. C'est d'accord. Pas, incroyable. C'est un peu une immigration choisie. Hein, Je pense à Bérénice, bénévole de Radio Fadjet, qui a fait menu étudiant l'année dernière et qui est en ce moment, dans le cadre de ses études, à Québec, qui nous a déjà fait quelques émissions en duplex depuis Québec avec nous. Et je crois qu'elle est tombée plus ou moins amoureuse de ce pays aussi. Voilà, et on pense à tous nos amis québécois, pas canadiens. Attention, hein, c'est pas pareil. Nos amis québécois, bien sûr. Les Canadiens ne nous comprennent pas forcément. Non. Les Québécois nous comprennent. Bien sûr. Voilà. Et on se moque de votre accent, mais c'est... Et ils francisent beaucoup plus les mots que nous. Mais j'adore. Mais c'est vraiment ma passion. On anglicise, nous, à fond. Les noms de films québécois. Moi, je regardais des films ados et c'était pas aller au bal de promo. Je me souviens, à chaque fois, c'était « Veux-tu aller à la prom avec moi ?» À la prom. Avec mon chum, exactement. Bon, et vous, alors, qu'est-ce que vous savez faire comme... Alors, Davy, imitation. Allez. Moi, je fais très bien le chat. Ah, décidément. Les animaux, encore une fois. Ok. Fais-nous le chat. Il a faim. C'est un chat qui a faim. Il y a quelque chose. Ouais, ils me comprennent, hein, les chats. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Pas. Ah, incroyable. T'échanges avec. T'as des chats? Mais non. L'homme qui parlait à l'oreille. Si ça se trouve, tu sais pas exactement ce que tu dis, tu les insultes. Là, peut-être qu'ils sont. Ils disent non, mais il va pas bien, lui. Il prend toujours des coups de griffe. Il comprend pas. Steph, je sais pas, moi, il y a plein de choses que je fais en fait. Ton imitation préférée? Ouais. Ah, moi, c'était Chirac. J'adorais faire Chirac. Oh, putain. Tu peux faire Sarko? Parce que Charcot, c'est drôle en imitation. Ah, Charcot, le professeur Charcot. C'est pas pareil. Écoutez, je vais vous dire. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Madame Chazal. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Quelque chose. Oh, c'est tout, voilà. Et toi? Récemment, on m'a dit que je faisais pas si mal Macron, mais je sais pas si à 4h32 j'arriverai à bien le faire. Faut que je me reconcentre un peu. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais simplement que ça n'a pas fonctionné. Il y a un début de quelque chose. Voilà. Pas forcément la voix, mais plus l'intonation que j'arrive à bien faire. Et je fais très bien la voix de reportage M6, comme je voulais montrer tout à l'heure. Dans cette banlieue de Seine-Saint-Denis, Christelle ne s'attendait pas à trouver un tel drame. Alors qu'elle rentrait de chez elle, sa porte est grande ouverte. Derrière, un chat. presque en train d'être sur les genoux de Jacques Chirac. Oh putain, je suis content, je le caresse, c'est formidable. Quand tout à coup, un Québécois débarque. Esti de tabarnak. Désolé, il est 4h33, je ne contrôle plus rien dans cette émission. Bon, très bien. Je pense que on n'est pas les nouveaux guignols. Voilà, il faut qu'on se rende à l'évidence. Les guignols de l'info sur Fadjet, pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, évidemment. Autre émission qui fête ses 40 ans. Cette année, en fin d'année, une émission sur la musique. Bon, ça va pas. Alors, il y en a beaucoup. Taratata. Non. Top 5. Moi, ils ont fait leur top 50 qui est revenu il y a pas longtemps. Ah, c'est pas une émission, c'est plutôt une remise de récompense, comme ça, ça va vous gagner du temps. Ah, les Energy Music Awards, les Grammy, Non, en France. En France, pardon. Ouais. Ah, les Victoires de la Musique. Ouais, les Victoires de la Musique fêtent leur 40 ans en 2025. La première victoire de la musique féminine en 85, c'était Jeanne Mas. Ah, en rouge et noir. Voilà. Et à quand le remix art style de rouge et noir? Je sais qu'il y a un remix, mais je ne sais plus lequel. En rouge et noir. En rouge et noir. Vas-y, refais. Oh yeah. En rouge et noir. De mal. Je connais pas les paroles. Ça s'est remarqué. Non. Hein, voilà. Et du coup, pardon. Si tu veux, faire des bruitages en musique, il y a Mamiklou qui fait ça très très bien avec son copain qui fait incroyable. Ils font que des reprises de musique dance. Et ben voilà, l'occasion de faire de la promo. Voilà. Incroyable. Exactement. Comment t'as dit Mamiko. Mamiko, très bien. Et ben on ira découvrir ça. Un grand plaisir. Autre émission. Ben du coup alors déjà c'était Michel Jonas qui a eu en 1985. Et je vais juste vous poser un petit quiz sur le nombre de victoires accumulées par une seule personne. Ouh. En fait ils sont deux en tête du palmarès des victoires de la musique à avoir eu un certain nombre de victoires. Quel est ce nombre? C'est assez impressionnant. Sur 30. Les 40 ans sur d'existence. Ouais. 30. Ah, non, c'est quand même moins que ça. Mais 20. Encore un peu moins. 15. Un peu moins. 12. Un peu plus. 13. Ouais, 13. Ils sont deux à avoir Ils sont deux à avoir c'est 13 victoires. Il y a Alain Bachung. Ah ouais. Osée Joséphine. Et Mathieu. On m'a vu dans le Vercors. Ah, oh, j'adore. Sauter à l'élastique. Il aime faire les imitations. Voleur fort au fond des criques. Bon, bref. Je suis à temps de carte. 8 sur 10. Je me retourne. Et Mathieu Chédid. Victoire de la musique super, aussi. Suit ensuite tout seul Aurel San avec 12 victoires. Ça m'étonne pas. Pas mal. Je peux rajouter quand même Aurel San dans son premier album, parce que moi j'aimais le Aurel San des débuts, dans Perdu d'avance, qui disait, je cite, est-ce qu'on peut être un tout petit peu vulgaire? Il est 4h35, tu as le droit. Et qui disait, je cite, « Je m'en branle des victoires de la musique, je vise les hot d'or. » Et qui s'est vendu complètement, hein, disons-le, et qui maintenant, donc, a combien de victoires de la musique? Il en a 12, ouais. Voilà, ah bah il s'en branle plus maintenant. Après, il en a 12, peut-être pas qu'il est content non plus, on sait pas. On sait pas. Ouais, il y va quand même. Les a pris quand même. Il y va, écoute, voilà. Et sa maison de disque a dit « t'y vas, sinon t'es viré ». Donc, voilà. Ensuite, 10, donc c'est Johnny Hallyday. Ok. Ah, oui, bah oui, et Souchon. Ah, 10 aussi. Ouais. Ok. Et puis 7, il y a Stromae. Ah oui. Et Vanessa Paradis. Après, j'ai pas fait les autres. Parce qu'après, la liste commence à s'allonger. Oui. Mais voilà, dans le palmarès. Bachung et M. Et M, ouais. Ouais. Et tu sais ce qui est pas mal de Bachung? Moi, j'aime Vertige de l'amour. J'adore cette chanson. Vertige de l'amour. Allez. J'ai dû rêver trop fort. Ouais, ça, c'est une bonne chanson de nuit, je trouve, tu vois. Je dis ça comme ça. Mmh. Super chanson. On met un petit extrait quand même pour vous faire plaisir, bien sûr. J'ai crevé. J'ai dû rêver trop fort. C'est la même voix. Aucune différence. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clap dehors, j'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. Et puisque du coup il est ex-aequo avec Mathieu Chédid, ouais. M, je partage un de mes souvenirs d'enfance qui est un souvenir que tout le monde a oublié et que moi continue de vivre dans mon cœur. Une comédie musicale française de mon enfance avec le M. Le Soldat Rose. Le Soldat oui, Rose. Évidemment. Incroyable ouais. Comédie musicale française dont il est aujourd'hui presque impossible de retrouver des archives en bonne qualité. Mais c'est connu. Ça a été tourné Rose. Un peu comme ça. C'est, et en fait, il y a eu une diffusion télévisuelle pour un Noël. En direct. Voilà, en direct. Ouais. Avec Shirley Dino, avec M, avec énormément aussi, d'artistes, voilà, d'une histoire incroyable qui est donc celle du Soldat Rose incarné par Mathieu Chédid. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'en retrouver des images, etc., parce que ça a été très mal sauvegardé, puisque c'était une unique diffusion télévisuelle à une époque où Internet n'était pas encore aussi développé, où on n'enregistrait pas les émissions ou quoi. Donc, tu trouves des extraits en très, très mauvaise qualité. C'est ça, c'est ça. Et c'est terrible parce que moi, c'est un de mes plus grands souvenirs d'enfance en termes de comédie musicale. Et à chaque fois qu'on me parle de M, je ne peux que penser au Soldat Rose et Un monstre sur la scène, qui est un excellent film aussi avec la voix de Mathieu Chédid. Mais je pensais que le Soldat Rose était plus connu, moi, je veux dire, de pareil, de mon enfance. Ouais, mais tu chercheras sur YouTube, tu trouves les musiques, oui, c'est ça. Mais pas les vidéos. Okay. Pas c'est de belles captations. C'est très compliqué de trouver des vidéos en bonne qualité, alors que le Soldat Rose a été très, très marquant. Et encore aujourd'hui, j'ai très souvent des musiques du Soldat Rose en tête, parce qu'elles sont génialissimes. Continuons sur les émissions. C'était la victoire de la musique. Voilà, incroyable. Et on a profité pour partager plein de souvenirs d'enfance, effectivement, qui nous ont plus ou moins marqués. Je crois que tu voulais aussi nous faire jouer avec la voix. Oui, je voulais vous faire jouer avec la voix parce que la voix, c'est un outil formidable. Bah oui, c'est ton outil de travail. C'est un outil de travail. Non, c'est nul. Je voilà. propose qu'on fasse de la radio sans voix. C'était pas top. On va s'amuser un petit peu. On va prendre un jingle qu'on a fait pour les 40 ans là. Oh. Et vous allez me le faire. Oh my god. Très bien. Alors Jean-Luc, il a déjà essayé avec moi. Je suis nul. Je te préviens. Donc on va prendre celui de 1985 à 2025. 40 ans de bonnes ondes nancéiennes. Ça va. C'est soft. On dit nancéienne ou nancéenne? Normalement, c'est nancéienne. Il y a un i. D'accord. Ok. Celui où tu es en duo avec Carole, je crois. Je sais pas, j'ai écrit la phrase vite faite tout à l'heure. Je vais le diffuser, tu vas nous dire si c'est celui-là. Bon, ça peut être n'importe quoi. 1985. 2025. Fadjet. Les bonnes ondes en CN. Voilà. C'est ok. Bien. Très bien. Bien. Ok. Allez, chacun son tour pour voir. Ok. Bon, alors là, j'ai pas la musique de fond. Non, du non, coup, juste les voix comme ça. Bah, on fait comme quand Jean-Luc, il m'envoie le texte. Très voilà, bien. Tiens. Ok. Allez, texte. Débrouille-toi avec ça. Bon, qui veut commencer? Qui veut se lancer? David, tu commences? Allez, David. C'est quoi le texte? 1985, 2025, okay. Les bonnes ondes nancéennes. Ouais, moi je dis nancéennes. Nancéennes? Il y a un i, ouais, normalement. Nancéennes, c'est d'accord. Nancéennes, ouais. À ce tour-là. Tu me pardonneras si je dis nancéennes? On s'en fiche. Super. Ouais. Vas-y. De 1985 à 2025, 40 ans de bonnes ondes nancéennes. Ah, pas trop mal, moi je trouve que c'était pas mal. Ouais. Faut moi j'ai Fadjet, les bonnes ondes anciennes. Oui, c'est pas grave. Ouais, okay. Non, mais là, vous m'embrouillez. Je n'ai pas le même texte. Appelez-moi mon agent. Moi je suis nul, tu vois. Il ne faut pas se décrier comme ça. Tu laisses, tu te détends, tu relâches les épaules. Non, pas le nez, les épaules, c'est pas tout à fait. Voilà. L'anatomie, c'est compliqué à ce temps-là. Hein. Épaules, tête. Children, knees and toes, knees and toes. Exactement. Gros souvenir d'enfance, encore décidément. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 1985-2025, Fadjet, les bonnes ondes anciennes. Les bonnes ondes nancéennes, on pourrait faire les reportages M6. Oui, il y a un peu la voix M6, effectivement. Non, mais c'est un début, c'est un début. C'est les prémices, on dira même. Okay. Bon, moi, je vais le faire avec ma voix radiophonique d'animateur, bien je pense. Bien sûr, voilà, si je devais faire. Il n'y a pas à justifier. Ouais. 1985-2025, Fadjet, les bonnes ondes dans CN. Mais tu vois que c'est son métier. C'est là, ça claque là. C'est là, ouais, ouais, bah, j'ai fait plusieurs top horaires aussi sur ces 40 heures avec cette exacte même voix. De... Moi aussi. C'est ça, de « Il est 3 heures, c'est la 34e heure ». Voilà, voilà, c'est la voix. Effectivement. Ça marche, mais ça marche. Ouais, ça marche bien. Hein. Et après, il y a la magie Jean-Luc qui passe. Ouais. Il prend nos voix, ouais. il prend un shaker, il met nos voix, ouais. nos musiques, iscou, ça sort un jingle qui est vachement bien. Qui sont bien. Ouais, c'est bravo quand même à lui, incroyable pour, ouais. tout, pour tout ce travail qu'il fait. Oui. Ouais, clairement. Pour créer tout ça. Ouais. Ça fait aussi partie des petites mains de l'ombre. Finalement, oui, on n'y pense pas, mais pour ces 40 heures, voilà, il y a tout un habillage spécial, effectivement. Travail d'archives qui a été effectué aussi. Et c'est aussi au travail de Yves et de Jean-Luc qui ne passent pas forcément à l'antenne, qui n'ont pas de créneau d'animation parce qu'ils préfèrent aussi rester dans l'ombre, mais qui voilà, grâce à eux, permettent aussi d'avoir cette belle couleur d'antenne spéciale 40 ans ces 40 heures de direct. Vous vous souvenez dans laquelle heure on est? 33. Bravo, ça je mets des petits quiz comme ça pour voir si ça suit. 33 docteurs, on est moi, j'ai vu Agathe qui m'a regardé avec des gros yeux, l'air de dire. Mais où suis-je? À 4h43, à moi, tu me demandes, on en est où dans le marathon? Là, c'est. Oui, non. Tu sais que t'as encore 2 heures d'émission, de 7h à 9h. Ouais. Ouais, voilà. Tu as l'air enchantée, dis donc. Super. Et à la technique pendant une heure, ça va être sympa. Tu m'étonnes, mais ça va. T'as 2 heures pour faire une petite sieste. Après, là, ce petit créneau. Je dois écrire 2 flash infos. Mais ça va le faire. Mais en fait, c'est pas grave parce que je suis fatiguée, mais il y a une espèce d'euphorie. C'est ce que Aurélie, du coup, de la radio, disait. Il y a une espèce d'euphorie. On est sur un nuage. Et je sais pas comment dire, mais c'est comme si on était un peu en dehors du temps. Et il y a un truc de. On est fatigué, on est un peu au bout du bout. Mais c'est cool, c'est pour la bonne cause, c'est agréable et tout le monde. Il y a une bonne ambiance, quoi. C'est un fat jeton. Un fat jeton. Ouais, c'est un fat jeton, franchement, non mais je sais pas. C'est donner. Pas, c'est donner, pas la même. Non mais. C'est pas la. Prendre, hein. C'est pas la même. Continuez fatigue que du travail, tu vois ce que je veux dire? Bah alors, moi je te cache pas qu'aujourd'hui, je me suis levé, il était 15h30. Bon, actuellement pour moi c'est l'équivalent de 16h de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. 16h de l'après-midi, il fait tout noir. C'est vrai que la nuit tombe de plus en plus tôt quand même. Hein. Mais oui, non, c'est vrai que dans le cadre de ces 40 ans, on est un petit peu dans un temps particulier, un temps un peu bis. Personnellement, je pense que c'est une des premières fois que je suis à l'antenne à 4h45 du matin, on exclut hier. Voilà, oui, c'était voilà, vraiment ouais, ouais. Premières habitudes. Moi aussi, hein, je t'avoue. Oui, bah oui, toi, c'est la première fois tout court, de toute façon. Davy, toi, ça t'est déjà arrivé d'être aussi tard à l'antenne, parce qu'on l'a dit, ça fait partie de Fadjet depuis pas mal de temps. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique, fallait venir remplacer les CD, même la nuit, etc. T'as connu un peu, toi, cette époque? T'as fait partie de cette époque-là aussi où fallait venir la nuit remplacer les cassettes, les CD? Non, mais c'était enregistré. Mais oui, quand c'était même. Enregistré. Il n'est pas si vieux. Tout va bien. C'était en cassette. Mais c'était marrant cette anecdote. Là, voilà, si ça passait pas, bah. C'était ah oui, c'est vrai, ça. Oui, ouais, ouais, parce que c'était des cassettes d'une heure. Et puis tu devais. Et puis à l'époque, ça s'arrêtait le samedi à 1h du matin. Après, c'était Leblanc, ça reprenait à 6h. Ah oui, c'était pas encore en diffusion. D'accord. Total. Ouais. D'accord. C'est au moment où l'informatique est arrivée où on a basculé en 24-24. Là, vous vous êtes dit, il n'y a plus besoin de personne. Vas-y, on le passe en 24-24. Incroyable. Ouais, bah toi, tu les as vus, les évolutions aussi de la radio, du matériel, ouais, des outils à disposition. Est-ce que tu as des souvenirs peut-être un peu liés à ça, de techniques, de trucs un peu cocasses, drôles, qui a pu t'arriver ou qui arrivaient à Fadjet sur ces 40 ans d'existence avec voilà, à l'époque où il n'y avait pas tout l'informatique non plus? Bah oui, les enregistrements où c'était c'est pas la bonne émission qui passe, c'était inversé. Incroyable. Pendant qu'on préparait ces 40 heures, Yves a eu soudain une idée de génie et il nous a dit: oh, je vais sortir le P4R, un truc, je crois que c'était comme ça, ou le P40, j'ai un doute. Des 4R. Et peut-être. Des R4. Des R4, c'est ça, je crois, c'est ça. Alors, dans le bureau, on le regarde tous avec des yeux ronds, de quoi il parle? Il monte au grenier, il ressort avec une boîte qui fait, je pense, 58 kilos, qui est un truc gigantesque avec des boutons partout. Et il nous regarde, il dit: À l'époque, c'est avec ça qu'on faisait du montage. Et je l'ai. Il est en bas, là. Il, était ouais. dans et il est exposé ouais. en bas. Ah, effectivement, ouais, ouais. c'est ce avec gros la grosse boîtier. Bobine, la grosse bobine. Voilà. Alors, ça, c'est le Reebok. C'est encore autre chose. Encore autre chose. Mais c'est une espèce de gros boîtier noir avec plein de boutons partout. Ah, oui. Et alors, on fait ça avec des de montage avec ça et tout. Et tu dis, ouais, on est bien content que l'informatique, quand même, soit arrivée. Parce que, ouais, quand même plus pratique Adobe Audition. C'est plus simple que le DR4. Adobe Audition, c'est pas mal, hein. Ah, finalement. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça va bien. Ça va bien. Alors, moi, je voudrais faire une petite remarque. Je voudrais remercier Fadjet parce que quand j'ai commencé dans la voix off, moi, il y a 3 ans, avant, je faisais un peu de théâtre et tout ça, et quand j'ai décidé de me lancer et de monter ma petite entreprise de voix off, je ne connaissais personne du tout dans le milieu de la voix off, et c'est très compliqué d'y rentrer de toute façon. Et j'ai écrit à toutes les petites radios du coin, j'avais enregistré avec un pauvre micro, j'avais pas grand chose, j'étais pas trop équipé à l'époque. Et le seul qui m'a répondu et qui m'a donné ma chance de faire des premiers jingles, de venir faire des essais, c'est ici. C'est à Fadjet. Ça m'étonne même pas. J'avais écrit à d'autres. Alors Jean-Luc, je lui avais écrit au moins 2-3 fois avant qu'il me réponde. J'avais un peu harcelé. S'il vous plaît. Non, je les avais tous harcelés. Hein. J'avais tous pas que Jean-Luc. Et, mais bon, c'est lui qui m'a dit, bah, viens faire un essai et puis on verra, quoi. Et puis j'ai fait 2-3 bricoles. J'ai fait 2-3 voix un peu rigolotes. Ça l'a fait marrer. Il m'a dit, bah, on fera, ouais, bah, c'est intéressant, on pourra faire des personnages et tout ça. Et du coup, bah, ça m'a permis à moi de faire ma première bande démo audio derrière. Et de pouvoir commencer à démarcher après pour d'autres petites choses, quoi. Pour, je fais encore pas mal de bénévolat, hein, j'en vis pas pour l'instant de la voix off. Mais, des maquettes. Ouais, ça m'a permis de faire des bandes démos, quoi. Grâce au jingle que j'ai fait ici. Et tout premier. Et ça m'a permis d'ouvrir un petit peu les portes du truc. Et c'est en train de prendre forme tout doucement. Ouais, tu nous disais un reportage prochainement sur France Télévisions, c'est ça? Bah, c'est une, alors je sais pas où ce sera diffusé pour l'instant, mais c'est une coproduction France Télévisions et puis une société de production d'Épinal et avec une société de production de Paris. Enfin bon, bref, c'est un petit truc, un docu. J'ai déjà toutes les images et tout ça, on peut pas trop en parler pour l'instant, mais voilà, donc ça débouche sur des choses comme ça et c'est grâce à Fadjet. Voilà, mon premier démarrage, c'est grâce à Fadjet. On peut en profiter parce que tu es modeste, cher Valentin, mais c'est vrai pour toute l'équipe de Fadjet quand même. On remercie tout le temps les bénévoles, bah vous nous remerciez tout le temps, mais quand même l'équipe de Fadjet. Il y a Fabienne qui donne sa chance à tout le monde. Il y a Jean-Luc qui est le pro du montage. Yves qui est toujours là quand on a une galère avec les émissions, quoi que ce soit. Il y a Aurélie qui s'occupe de la com, qui s'occupe de toute la partie journalisme. Toi, tu fais plein d'émissions, tu fais plein de choses en extérieur, tu fais des ateliers. Il y a Léa au service civique en ce moment qui fait la com. Et puis, il y a François qui s'occupe de la matinale à la coordination. Et on a quand même de la chance. Et non, vous êtes... Voilà, vous êtes modeste, mais il faut quand même rappeler que les 40 heures, c'est surtout possible avant les bénévoles, grâce à vous. Et c'est super cool, c'est franchement. C'est des équipes, quoi. C'est un travail d'équipe pur. Donc, merci Fadjet. Mais avec grand plaisir, merci aussi à vous d'avoir répondu présent aussi à ces 40 heures, parce que on fait beaucoup, c'est vrai, mais si on était que nous, les salariés et les en service civique, on n'irait pas très loin non plus. Donc, merci aussi à vous. On le rappelle, hein, n'empêche que sur ces 40 heures, c'est presque 60 bénévoles qui interviennent à l'antenne et qui sont intervenus et qui vont continuer d'intervenir. On essayait de faire un peu le calcul entre les invités, les bénévoles. Sur ces 40 heures, on est arrivé à peu près à 100 personnes, 100 voix ont et qui vont continuer, puisque on est qu'à la 33e heure. Et donc, il en reste encore 7. Mais voilà, de gens qui ont fait vivre et qui vont continuer de faire vivre ces 40 heures. Donc, merci aussi à toutes celles et ceux qui sont passés, ne serait-ce que quelques minutes merci à vous qui avez accepté de passer les nuits en ma compagnie, parce que c'est pas forcément les créneaux les plus simples non plus. Ah mais c'est bien, c'est une bonne ambiance, hein. Franchement, on est bien. Eh ben, il nous reste quelques minutes. Moi, Agathe, j'ai envie que tu me parles un peu de ton émission aussi, parce que je trouve que c'est un super projet, ton émission. Donc, j'ai envie que tu nous en parles un petit peu aussi. Eh ben, moi, mon émission, du coup, c'est, elle a été lancée il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Je ne saurais pas dire la date exacte. c'est une émission donc qui met les femmes à l'honneur. Donc, ça s'appelle Wild Girls. C'est un lundi sur deux à 21h. Et donc, chaque semaine, je choisis une femme qui allait marquer l'histoire ou que ce soit une artiste plus récente. Et c'est donc une femme du monde de la musique. Et en fait, j'en parle pendant une heure. Donc, je parle de ses albums, si elle a d'autres projets. Hein, elle peut être actrice parfois, des fois, elles font des livres. Ça peut être les scandales aussi. Comme hier, j'ai parlé de Lily Allen, par exemple, pour l'émission spéciale. Lily Allen, on la connaît quand même un peu pour ses scandales. Donc, j'en ai... Voilà. Donc, j'ai parlé, essayé de balayer. En fait, on fait un petit peu un panorama de sa vie, les choses à retenir. Et donc, c'est une émission qui a pour but, en fait, de faire la promotion un peu des femmes dans le monde de la musique. Moi, je faisais partie de la matinale il y a encore peu de temps. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mes chroniques musicales, je faisais souvent des hommes. Je suis profondément féministe, mais par réflexe, je faisais quand même des hommes. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même dommage. Il y a plein de femmes, il y a plein de femmes talentueuses. Et donc, il faut faire quelque chose. Fabienne m'a proposé une émission. Elle m'a dit, si tu as un projet... J'ai lancé donc cette émission et donc voilà, je fais des femmes. Hier donc pour l'émission spéciale, c'était Lily Allen. Vous retrouverez une émission lundi soir à 21h. Hashtag teasing. Voilà, ce sera sur Avril Lavigne parce que Avril Lavigne, elle a actuellement 40 ans. Donc je me suis dit que c'était voilà le... Ça tombait pile. Lily Allen, elle fêtera ses 40 ans. Mais il y a eu des grandes femmes. Il y a eu Patti Smith, il y a eu Janis Joplin. J'ai fait des personnes un peu plus récentes. Lola Frichet qui fait partie de Pogo Car Crash Control, qui a lancé le mouvement More Women on Stage. Voilà, j'essaie de balayer un peu tout, de faire du R&B, j'ai fait un peu de l'électro, je fais du rock, je fais un peu de punk, je fais de tout. Voilà. Est-ce que toi, cette émission, elle t'a permis de découvrir aussi peut-être des nouvelles artistes que tu connaissais pas trop et qui aujourd'hui font partie de ta playlist Les Incontournables ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est pas tant pour l'instant des artistes, parce que j'avoue, je me fais plaisir. Hein. si je dois être honnête, j'aime bien aussi prendre des artistes que j'aime et les redécouvrir un peu sous un nouvel aspect. Donc pour l'instant, c'est pas tant que ça m'a fait découvrir des artistes, mais j'en doute pas que ça arrivera. Mais ça m'a fait découvrir des choses que je connaissais pas. Par exemple, j'ai fait une émission sur Gail Ann Dorsey, donc qui était la bassiste, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, une dame afro-américaine, crâne rasé, bassiste. Elle a travaillé donc pour David Bowie, et elle a travaillé aussi pour M. Bah, elle travaille pour M. Et en fait, il y avait des choses que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais Gail Ann Dorsey de Taratata, parce que je suis une grande fan de Taratata. Et je ne savais pas, par exemple, qu'elle faisait des choses en solo, qu'elle avait sorti ses albums. Donc, ça m'a permis, voilà. Ça permet de découvrir des choses qu'on ne connaît forcément pas. On ne peut pas tout connaître de la vie des gens. Mais c'est sympa. Voilà. Donc, oui, merci pour ce teasing, pour mon émission. Et on a même, du coup, on peut même faire en générique. Direct mon jingle. D'accord. Wild Girls avec Agathe. Ah, c'est génial. C'est beau, hein. J'adore. Moi, j'adore. Tu as des petites paillettes dans les yeux. À chaque fois qu'il fait mon jingle, j'adore. Incroyable. Donc, un lundi sur deux. Ouais. Le lundi soir à 21h. À 21h. Exactement. Et donc, pour découvrir plein d'artistes féminines. Pour se quitter, puisqu'on a un spécialiste de la voix avec nous, mais que c'est aussi les 40 ans. Je vous ai retrouvé une archive qui date de 98, qui est la bande-annonce d'une émission qui s'intitulait Cinémag. Depuis hier, je m'amuse à diffuser des anciens et à chaque fois, je me dis, eh ben, on est bien content d'être en 2025 et d'avoir Stéphane qui nous fait des voix. On va juger. Là, on a une minute pour juger. Je vous propose d'écouter ça et de voir ce que ça donnait. Retour en 98. Mais non, Otaku, c'est fini. Maintenant, vous pouvez retrouver Bastien et Benjamin dans Cinémag. Le mag 100% ciné, tous les mardis à 19h30. L'émission sur tout ce qui touche à l'actualité du cinéma. Au programme, interview, les nouveautés de la semaine, le top 10 et des infos insolites sur la vie des stars. Avec également les plus belles bandes originales du cinéma. Rendez-vous mardi, 19h30, 20h. Notre spécialiste, un avis sur... C'est une autre époque. C'est bien dit comme ça. Non, ben c'est tout. Après, il y a des gens qui aiment bien faire leur jingle eux-mêmes. Donc, voilà. Ben après, ils ont mis tout leur cœur. Ils ont mis tout leur cœur. Tu sens que c'est plein d'entrain, plein d'énergie. Bon, après, voilà, il y a les petits défauts de ne pas fermer les phrases au bon moment, etc., etc. Mais c'est, ils y ont mis tout leur cœur. Voilà. Et ben voilà, 98, probablement monté sur le fameux DR4 que vous avez pu voir à l'époque. Merci d'avoir partagé ces deux heures en ma compagnie. On va entamer la 34e heure. Sébastien va nous rejoindre pour un voyage musical. Restez avec nous. Juste ensuite, Benoît avec la Matinale Academy. Puis on retrouve Agathe et Davy de 7h à 9h, accompagné. Vous ne serez pas que tous les deux, hein, de plein de beaux mondes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Evan, Manuel, Sarah, Alexandre et Bruno vous rejoignent. Ouais. Ah, du coup, il n'y aura pas Bruno. Il n'y aura pas Bruno. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, ils seront donc presque tous là. Et puis ensuite, vous aurez la voisinade, Brigitte et Christophe. Et ce sera déjà la conclusion pour la dernière heure d'émission. Merci d'être avec nous. Armin von Buuren. C'était une demande de Davy parce que ça fait plus de 2 heures qu'il n'a pas entendu de Music Art Style. Il commence à nous faire une descente d'organes. Light check out. On se retrouve. C'est l'after. Ouais, c'est parti. Merci d'écouter Fadjet. Merci d'être avec nous pour les 40 heures. Sir, I don't...